Chapitre 3e. Dans la même journée, il prenait la résolution de garder toujours le nom de Chavigny. Il n'avait pour lors que 21 ans. Son physique gracieux lui paraissait être un capital de quelque valeur. Il répétait chaque matin « Eh, le diable ne s'amuse pas à peigner éternellement la même tête ». Il avait des espérances, il se sentait ambitieux, il aimait les plaisirs de la vie, les rencontres et le jeu sur les tapis verts, où il était fort heureux. En ce temps-là, la Suisse, la Hollande et l'Angleterre offraient volontiers l'hospitalité à des victimes des intrigues des cours. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les victimes de la politique. Chavigny se mit sur la même ligne que ce spirituel chevalier de Gramont, qui avait été exilé en Angleterre parce qu'il avait dit au cardinal Mazarin qu'il trichait au jeu, vérité incontestable, mais qu'il était dangereux de dire en face. Enfin, parmi l'artifice, l'ex-Guidon s'était bien posé dans l'opinion des bons Hollandais, qui n'aimaient pas du tout le roi de France, et, considéré de tous, il songea à passer le plus gaiement possible le temps de son exil. « Il faut aussi occuper mon cœur, » se dit Chavigny. « Mais comment consentir à aimer les Hollandaises ?» Il les trouvait lourdes, froides, sottes, sans aucun agrément sur le rapport de l'esprit. S'il envoyait un madrigal, on ne le comprenait pas. S'il adressait un bouquet, on lui demandait combien il avait coûté. S'il parlait des toilettes de Versailles, on ne savait pas ce qu'il voulait dire. C'était sur ces entrefaites qu'une jeune servante française venait d'être admise à l'hôtellerie du Gril d'Or où il résidait. On la nommait Justine. Justine était petite, blanche, brune, coquette et pleine d'esprit. Elle vaut aisément toutes les Hollandaises de la terre, se disait l'ex-Guidon. C'était pour lui un très grand plaisir que de n'être pas obligé de parler hollandais. Peu à peu, des relations d'intimité s'établirent entre la servante et lui. Dans les premiers moments, il ne s'agissait que d'impressions communes sur les choses et les gens du pays. Un peu plus tard, cette familiarité des deux compatriotes dégénéra en amourette. Ce n'était pas assurément une chose très louable qu'un jeune homme, qui se donnait des airs de marquis, vécût ainsi avec une jeune fille d'auberge. Aussi cherchait-il à cacher et à dissimuler avec un soin extrême ce que cette faiblesse pouvait avoir d'avilissant pour lui. L'intrigue mystérieuse de Justine et de Chavigny durait depuis plusieurs années, lorsqu'un certain jour la Gazette de La Haye annonça à l'Europe la mort de Louis XIV. Une vive espérance fit à l'instant même battre le cœur de l'exilé. L'ex-Guidon écrivit à Paris à quelques amis intimes, mais on lui répondit que le duc d'Orléans, à qui la régence du royaume venait d'être dévolue, voulait respecter toutes les décisions prises par le vieux roi et qu'aucun banni ne serait rappelé. « Attendons toujours, » se dit Chavigny. Quelques années s'écoulèrent encore. À cette époque, un événement historique de quelque importance se préparait en France. C'était la conspiration dirigée par le prince de Sellamare contre l'autorité mal affermie du duc d'Orléans. Le hasard, qui fait naître à toute heure des combinaisons si bizarres, devait mêler Chavigny à cet épisode de nos révolutions politiques. Ceci se passait un jour qu'il causait avec sa jolie Française dans une chambre de l'hôtellerie du Gril d'Or. Justine entendit tout à coup sa maîtresse qui l'appelait. Elle n'eut que le temps de sortir vivement et de tirer la porte derrière elle. « Justine, Justine !» cria la maîtresse de l'hôtellerie. « Prépare la chambre où tu es pour deux religieux étrangers qui vont y venir déjeuner. J'obéis, madame. » Ici, la servante, embarrassée de soustraire Chavigny à tous les regards, imagina de le cacher dans une vaste armoire de noyer qui se trouvait ouverte. « Rassurez-vous, lui disait-elle, il y a assez d'air pour respirer, et je vais y mettre à la hâte quelques provisions de bouche. » L'ex-Guidon alla s'enfermer en riant. « Tenez, voilà un pâté et du vin de notre pays. » Elle ferma ensuite le meuble à clé, il était temps. Ceux que la maîtresse donnait pour deux religieux étrangers entrèrent presque aussitôt. Ils portaient l'habit des franciscains, ils avaient la peau basanée, la barbe inculte. Était-ce bien réellement des moines? Un œil exercé ne l'aurait jamais cru. On va voir, par la scène suivante, qu'on ne devait pas se hâter de les juger sur le costume. « Ces religieux-là, pensait la servante, ont assez bien l'air de deux bandits. » On les servit. Ils renvoyèrent Justine, examinèrent avec un soin minutieux les plus petits recoins de l'appartement, fermèrent la porte en dedans, tirèrent chacun un long stylet qu'ils posèrent sur la table et se mirent à manger sans dire un seul mot. À travers la large serrure de son armoire, Chavigny pouvait suivre tous leurs mouvements. il les prit pour des Miquelets dont les projets étaient importants à connaître. « Mas vale al sereno que con ruin companero », dit un des deux prétendus franciscains. « Acometa quen queira el fuerte espera », répondit l'autre en mettant la main sur son poignard. Si elle eût continué sur ce ton, cette conversation pouvait être fort énigmatique pour Chavigny. Mais, par un hasard étrange, il savait fort bien l'espagnol. Depuis les troubles de la Ligue, cette langue s'était répandue en France, notamment dans le beau monde. L'ex-guignon avait compris que le premier moine avait dit tout simplement « Il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie ». Ce qui avait amené cette réponse toute castillane « Attaque qui voudra, le brave l'attendra ». Dès ce moment, Chavigny redoubla d'attention. « J'ai un pâté du vin, se disait-il, je ne mourrai pas de faim. J'attendrai donc jusqu'à demain, s'il le faut. » Il était bien convaincu déjà qu'il avait devant lui deux brigands dont les projets, commencés le matin, devaient se terminer la nuit prochaine par le vol et l'assassinat. « Parlons sérieusement, » dit tout à coup un des mangeurs. « Ce n'est pas en Hollande, c'est à Paris, que se trouve notre gibier, » répondit l'autre. L'ex-guidon écoutait avec une attention toujours croissante. « Le gibier de Paris, que veulent-ils donc dire ?» Au bout de 5 minutes, à force d'écouter, il était presque au courant de l'affaire. L'édifice de ses premières suppositions venait de s'écrouler comme un château de cartes sous les doigts d'un enfant. « Ce ne sont pas des bandits vulgaires, ainsi que je l'ai pensé dans le premier moment, » se disait-il, prêtant toujours l'oreille. Entre les deux étrangers, la conversation roulait sur une intrigue très adroitement ourdie. Il s'agissait de s'emparer par ruse de Philippe d'Orléans, régent de France. On devait lui mettre un masque de cire sur la figure, un épais manteau sur les épaules. On l'emportait ensuite dans une berline escortée par 25 cavaliers sûrs. Toute l'escouade le conduirait dans une forteresse sur la frontière. Cette belle promesse accomplie, il était remplacé comme lieutenant général du roi par Philippe V, petit-fils de Louis XIV et roi d'Espagne. Rien ne manquait aux renseignements que donnaient, sans s'en douter, les deux prétendus franciscains. Ainsi, il fut longuement parlé des dépêches écrites de Sceaux par cette petite fée spirituelle et ambitieuse qui se nommait la duchesse du Maine. Ils ne passèrent sous silence aucune des mesures prises par le prince de Selamar. Tout en vidant les flacons, ils parlèrent beaucoup aussi de la profonde et puérile sécurité du régent, qui, dans sa vie d'amour, de fête et d'orgie, ne voyait point le précipice dans lequel on allait le faire tomber. « Ce sera pour le coup et très réellement cette fois-ci qu'il n'y aura plus de Pyrénées, » disait-il en chantonnant. « Buvons, » ajoutait-il, « une bouteille de vin de Champagne, une bouteille de vin de Malaga, en l'honneur de la France et de l'Espagne, qui ne feront plus qu'un seul pays, pays de délices et de bonbons pour nous. » Le jour baissait. Après s'être promis de garder un impénétrable secret, les deux conspirateurs se séparèrent. « Demain, à la même heure, nous nous retrouverons au même endroit, » se disait-il en se serrant la main. Quant à Chavigny, délivré de sa prison par une main attentive, il demanda à Justine de le cacher au même endroit lorsque les deux franciscains reviendraient pour y dîner. « Pourquoi tenez-vous tant à entendre baragouiner ces deux Espagnols ?» lui demandait la servante. « Parce que, grâce à leur indiscrétion, je vais bientôt recouvrer ma patrie, ma fortune, ma charge et mes protecteurs. Ne trouves-tu donc pas que tout cela en vaille la peine ?»« L'armoire ne manquera de rien, vous pouvez y compter, » répondit la servante d'auberge.